Justo. Bonjour. Bonjour, bonsoir, les amis. Bonjour, bonsoir. Je pense que vous allez bien tous. Nous voici une fois de plus. Les temps qu'on arrange pour les amis de Facebook. Voilà. Et oui, mbote, mes chers amis, mbote tout le monde. Mbote, mbote, voilà. Ilunga chibidi lelo ko finga biso pe te pardon poto za bandeko na finga rabino te na kalifia rabino na kalifia rabino boza ba milvor na kalifia rabino parmi bino ba idio bazali ebele za ko finga te hein? Si par exemple vous avez raté à comprendre à l'école que Dieu est au fingaté, ça c'est pas mon problème, mon cher Abbé Ilunga. Au bandinga mabé, Tatu Ilunga, au bandinga mabé. Na finga abinoté, na qualifié kabino, ko qualifié za ko fingaté. Ce qui est balobi osa intelligent, na qualifié yo, n'est-ce pas? Pourquoi bolo braté ki au fingi bisou? Kaka soyi na lobi idio nde eza kofinga. Soyi na lobi oza intelligent, wana eza kofinga te. Idio nde eza kofinga. Eza kofinga te na kalifia kabino. C'est vrai, ça se justifie. Voilà, donc tatui lunga bandinga. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour na koza la wana. Merci pour na kotage. Merci. Il y a les amis qui me font rire. Hein? Bossani Manette. Merci. Nazolata. Merci. Nabosaraki. C'est qui ça? C'est Prince Izamwami. C'est bien ça. Voilà. Donc, je disais bonjour, bonsoir à tout le monde. Toye, Lelo. Je comprends que il y avait beaucoup d'injures à ma personne la fois passée et j'avais bloqué mutunyo so oaza aminangate na bloqué qui côté à comment donc moi au chat commenter zati moi au chat commenter zati so oaza aminangate. Et nazomona batu ebele, bazo regrette pourquoi blokaki. Oui, na blokaki parce que vous pouvez me qualifier, mais ko injurier. Alors, ceux qui vous allez ko injurier, je serai obligé à ko bloquer ba commentaire. Et vous allez, dans le bac, on l'a fait passer, vous allez na droit à mon côté à ko fingangai parce que nazo représente binote, nazan la fonction moko publicité. Na yiba mbongo ya Congo te, na sala d'administration ya Congo te, et ndeko na nga moko te azali na administration ya Congo. Donc, boza na droit moko te ya kofinga ngai. Mais nga naza na droit en tant que peuple, soki na siliki, naza na droit kofinga mutu, azo kamba biso na mboka na biso. Donc, il faut to sala ka ba nyans wana. Voilà. Et je disais que bandeko o bazali na possibilité ko tagué baninga bo tagué oyo bazali ba community bo tagué bango ba kota bo benda bango ba kota ndenge bandeko na biso ya ba Congo balobaka bo koka bango Boko Kabango, Bako Tanakati. Pour tout mekakosola un peu pour peut-être 40-45 minutes pour Tokabwana. La plupart y a Batou, Bazali na ba confinement. Bandeko Bazali na Europe, na Amérique, une partie y a Bandeko na Asie. Et na Congo, il semblerait confinement ils allient sans raison. Confirmer les alibis, se présenter, nous avons combien de cas de COVID, combien de tozanango, combien de bakoufi, bazali et paywapi, moutoumo kwa yebiti. Kaka donc, Félix Alala la mouki confinement. Yé kaka soit yoki Macron a lobby confinement, yé pe confinement. Yé soit yoki Macron a lobby déconfinement, yé pe déconfinement. Mais n'attend que Macron a zolo baké a sombi ba vaccin, Félix silence total. Il faut que l'on d'agapit. Macron a lobby confinement, yope confinement. Macron a lobby 21h à 5h, yope 21h à 5h. Macron a lobby déconfinement, yope déconfinement. Mais Macron est razolo ba asombi ba vaccin pour na bande konaye, yo silence total. Quel idiot. Bon, avant to banda, peut-être Bande que belé moi ma question bazo tuna concernant situation de la famille ezali malamu ezali ko kende malamu bon monique tout a tourné na côté na biso que moto la plupart na ko ikoloba ya bandeko ba coréen ba défendre biso valablement. Et to yebite peut-être na futur na biso qu'est-ce qu'on peut donner na peuple oyo ya Corée. Et pour na demande ya ba avocat na biso ba yebisa ki biso to lobate parce que dossier ba déposa ki yango. Alors moi to lobezate mais ba coréen ba lobby na esika na biso. Franchement, ba lobby ne sika na biso et il faut que mon les amis ba visite improvisé parce que téléphone ba trebele to bazali kozwa téléphone te a part ngamoko bana bazozo ba téléphone te donc maman na bango bazozo a téléphone te et ba mi penza na biso bazali ko ya donc à l'improviste sans demander parce que téléphone moya kozwa ezati Bazali ko ya donc ebele et nakoye ko yebisa bino une dame ayena mobali na ye azalaki étudiante na biso et abala nous l'avons aidé po azo musala na système ya Nations Unies si kwa yaki na congé na mboka Corée il faut komona ayena bana na ye bango mibale na mobali na ye elle plaire lokola akufeli papa ou bien akufeli mama et tout le monde a été kirié babi mabatala nani wana azakole la lokola inafricaine et ezama kamba kolela moi eto a registré ezala kité on attendo une coréenne azakole la batu oyo ifuko funda bango et na kendaki na télévision na bango na fingi bango mwana oyo haza mwana ya boete nga na yebi mwana oyo banda zalaki na 9 ans na yebie ndenga koli to sale bemission na télévision na ye pourquoi lokuta ya boye biloko ndema donc en bref ba défendre biso vraiment très bien merci beaucoup na bango nyonso et ce qui ba avocat va permettre biso to koloba moi quelque chose pour na ko remercier bango. Tout le monde a défendre biso, tout le monde a lobé biso sauf congolais. Comme d'habitude. Hein? Bon, ce qui n'a lobé sauf congolais, bah congolais n'ont sauté. Une partie à bah congolais, donc oui, que l'on sauf Milvor. Voilà, tout le babongo. Tout le monde, sauf Milvor. Et tozipe ba message belé ya ba congolais au bazalaka na Corée ba bima Corée ba mso ba kenda ba États-Unis ba mso ba kenda partout vraiment merci beaucoup tokosala message moko famille mobimba tokosala message pona bino ce qui va avocat va permettre biso mais na kati ya lancer wana juste ya introduction wana bande konyoso bavandi na mboka Kore ba uti komona na date ya le 28 décembre gouvernement ya mboka Kore a changé loi ya ba réfugiés. Oui, si je n'ai pas sauté, je vais en parler d'introduction parce que Bandeko Bilo va comprendre qu'est-ce qui se passe. Depuis le 28 décembre, le gouvernement coréen a proposé un amendement à la loi sur les réfugiés. Et il va éviter Mboka ya Corée et Zali, le premier pays et l'unique pays oyo bazali na loi ya ba réfugié na lobi bien le premier pays et unique pays oyo bazali na loi sur les réfugiés elle est inkolobanini elle est inkolobake ba mboka nyonso ya Asie soki bandi makaba réfugié ou toloba soki bandi makaba réfugié ba réfugié bazali na kati ya mibeko oyo ba bengi Immigration Control Act. Donc, contrôle de l'immigration. Bamboka nyonso. Eza la bamboka ya démocratie ya zi. Eza la bamboka ou eza na démocratie te. Soki ba yambaka ba réfugié. Ba réfugié bazali régi na loi ou ba bengi Immigration Control Act. Memboka kori. Na ebsake bino mkolo mususu. Tout a commencé dans un restaurant. Tozala ikolia na député moko. Erwana babandai ko benga bango ba serunu ridang to bandai ko liana restaurant ezala ki po na masolo mususu et directement to bandi ko ba makambo ndenge nini ba policier ya immigration bakangaka ba paya ngamu na evoka ki problème wana na député il faut tala vraiment likambo wana parce que ndenge bakangaka ba paya na ba hygiène brutalité ezali bien te. Alors, nayeko yebisaye, est-ce que moyen exact quand même parce que mibeko o ezali Immigration Control Act na kati nango makamunyo se ezali na kati nango ba réfugié bazali, ba demandeur d'asile bazali, ba patriote bazali, ba étudiant bazali, ba tu ya business bazali, ba diplomate bazali, ba touriste bazali. Donc mupaya nyo so azali régi na Immigration Control Act. Alors, j'ai dit à ces députés à l'époque bazaki na pouvoir est-ce que moyen zati bo proposer une loi donc à part ya ba réfugié parce que mélanger nyonso ya confusion ezali mingi et ba policier ya immigration mingi bazali formé te na makamba ba réfugié donc pona bango mopaya nyonso azali immigrant travailleur alors or na kati na bango ezan na bato bazali ba protéger. Alors abandi ko lia kitisi fourchette mbala moko afungoli sac na ya jus papier abandi ko koma. Et mutu peto zaki na ye pembeni ayambili solona to continue ti bon voilà to kutana une semaine après to kutani disusu. Une semaine to kutani to diskite yango voilà comment est-ce que la loi sur les réfugiés bandaki na mboka kori. Na erwana ba milvor bazali ko ronfler. Na erwana ba milouvor ya Kore bazali ko ronfler ba pongi. Alors tokutani ti ba démarche ye ko benda ke ba ONG erwana pe zala ke mingi te ba koti na kati. Masolo ebani. Je vous dis que masolo ya loi oyo sur les réfugiés en Corée na zala banda Genèse. Ti ba ye ko voter yango na zala. Je suis allé au parlement plus de 5 fois. Sur invitation à parlement, na mec un peu expliquer tel problème. Na erwana ba milouvor, bazali ko ronfler. Alors, loi wana ezala ki voté na parlement na 2013. Loi wana ezala ki voté. Mais na kati ya loi wana il y a beaucoup de choses. Oyo tozali pe ko lité pour que échanger l'essentiel ezali d'abord loi ezala alors ba amendement e banda ko ya sima. Ba mandoma ezali na makambo ebele. Ba carte d'identité, kombo ebi ba, na bambo kom soupe ezali. Na carte d'identité ba tounyonso na Kore, mupaya nyonso, non, Koreen d'abord, Koreen nyonso ya mwasi. Carte d'identité na ye ebandi par chiffre 2. Numéro ya carte d'identité ebandi na chiffre 2. Et mobali nyonso ya Koreen, na carte d'identité na ye, numéro ebandi na chiffre 1. Mupaya nyonso ya mobali, carte d'identité na ye ebandi na chiffre 5. Mupaya nyonso ya mwasi, carte d'identité na ye ebandi na chiffre 6. Alors, bato ba ye ko bota masima. Bapaya, carte d'identité ya mibali ebandi na 7, bana na biso. Et puis, ya basi, carte d'identité ebandi na chiffre 8. Ya ba koreyen pe o babota misika, ya mibali, carte d'identité ebandi na chiffre 3. Ya basi, ebandi na chiffre 4. Alors, ce qui mupayanyon soazali devant un policier, il y a immigration ou bien policier nyonso, ce qui a moyen déjà ébandi na chiffre 1 ou bien pardon na chiffre 5 ou bien na chiffre 6 d'office aux alé mopaya et même ceux qui sont devenus coréens ezali na chiffre moko bien caché na carte d'identité ou ezali koloba ke même ndeko akomi coréen mais aza mopaya. Alors biloko wana eza biloko tozali kolité pour que échanger mais voilà. Gouvernement aye ko surprendre tout le monde aye ko kotsa ba amendement na kati ya loi o ya ba réfugié na ndenge ya bienté ba amendement na ndenge ya bienté c'est-à-dire que le gouvernement veut passer na force ya ko kotsa ba amendement wana na parlement et parlement lokola boyebi bazali majorité bazali pour ba amendement ya gouvernement. Alors maintenant que biso balobi biso tozali ba cuisinier yombi azali cuisinier yombi atangisaka na université te yombi ba mona yena na université mokote tozali ko senga na ba milovore ya Corée du Sud botele mato mona bino défendre maintenant les droits des réfugiés na Corée ngai bobengani ngai na sambela ka ba réfugiés te na lobela ka ba réfugiés te na tangisaka te ba yebingaite oni yebingaite gouvernement coréen ba yebingaite. Alors merci beaucoup lokola bo pesingai pension na vande na ligne commune na 1 milvor na Corée atelema totala atelema akene na parlement totala atelema ke na gouvernement kuta na ministre ya justice totala na vraiment na zo zela yango. Vous croyez que défendre une cause globale et aller li panango bolalo la mokyo ko ko défendre yango na ligne komona bande ko na biso ba milvor boteleba lokola bolobi ke ngai na zali e lokote na sala ke lokote na défendre ka batute alors bo pesinga pension na vandi na ligne komona bino cher milvor na ligne komona bino boteleba na mona bino ba video bo poster na ba photo na mona bino na parlement na mona bino na gouvernement bo kende pe na ONU bo défendre parce que moi avec cette loi pour les réfugiés na koma partout na kenda na ONU na défendre yango na kenda na Genève na défendre yango na tambula na Azie ba pays belé pour na ko défendre yango na kutana na kenda na parlement à maintes reprises ko défendre yango na kutana na gouvernement ministre de la justice ba membre du gouvernement mususu appareil judiciaire na kutana na ba procureur na kutana na ba juge na kutana na ba avocat ba photo ezali tout le monde azali komona sauf milvor. Alors na liko mona bino lelo oyo mibeko yango na gouvernement ali ko changer alors na liko mona bino botele mabo défendre bo vanda te spécialité na bino ezali ka ko nier meshe yombite na liko mona spécialité na bino ke a part ko nier meshe yombi vous êtes capable de défendre la population mondiale. Et correctif ezali pona bandeko mingi ya ba milovor ba ba kabo Félix Akatio Kwanga makamba réfugiés a sauté. Moi je ne défends pas les réfugiés congolais. Moi je défends les réfugiés global na monde. Na défenda ka ba réfugiés congolais. Donc ba réfugiés congolais bazali une conséquence na lit na ngai global. lutte nanga ezali globale ezali pona ba réfugiés congolais alors ça m'étonne Félix Akatanga kwanga ndenge ni ah Félix Akatio kwanga ba réfugiés baza soute mais non d'ailleurs ba réfugiés congolais bazali combien savez-vous au monde tozali na combien de réfugiés nyon so ba demandeur d'asile les réfugiés tout c'est 76 millions de réfugiés donc c'est tout un pays plus qu'un pays d'ailleurs donc moi je défends ces 76 millions de réfugiés au monde. N'a défendu qu'à réfugiés congolais kakate. Donc, comme les Congos sont dans le monde, donc, par ricochet, les Congolais sont défendus aussi. Moi, je défends les réfugiés du monde. Donc, si tu as un Kouangate, si tu Félix Akate, Félix est capable de faire un réfugié au monde. Ce qui d'abord na kati ya Congo moi batu muke azoko ka ko aider bangote ba militaire na biso bazoko nda bango na ba sachet na ba poubelle alors Félix est capable de défendre ya ko kata biso kwanga na niveau mondial akokokate donc voilà cher Milvor naza na défendre ka ba réfugié ya monde te na la défendre ya Congo te na défendre ka ba réfugié ya monde en général alors maintenant cher Milvor ba les ana kana bino voilà donc nazozela ba milvor totala bokosala nini tozozela bino obeko yangwana c'est un risque pour le réfugié et to mona bino botelema bo diembele na ba ONGT bino moko comme monsieur Yombi ye moko botele mana yiko mona milvor moko kaka bakanzaka bokena ko somba na ngwangju na chine bakanzaka biso yombi seki mibeko yango yo gouvernement coréen chepo na ba réfugié na mona milvor atelema ko kene na ba ONGT ko diembe na ONGT yo moko lokola monsieur yombi yo moko kende na parlement babenga yo na parlement yo moko babenga yo na gouvernement yo moko ba juge babenga yo yo moko ba avocat babenga yo to mona bino ba procureur ba benga yo to mona ba policier ba benga bino to mona voilà donc zala ki juste parenthèse en ce qui concerne makambu ya ba réfugiés na Corée et c'est un risque ya makasi tant ezate to kozwa peut-être mkolo mususu où nous allons expliquer que cela signifie et d'ailleurs le monde a félicité la Corée du Sud pour être le premier et l'unique pays d'avoir une loi séparée des réfugiés. Et cela qui exploite Moko Makasi. Alors, Toyasiko na Makambwezo leka na Congo, mais entre parenthèses, j'avais une invitation à une télévision. Tolo ba chaîne, hein, chaîne YouTube, ba Bengi Congo Synthèse, basé na Londres. Na yeba ki angote, tango ba invitinga, je demandé à quelques amis au bazan Europe, ba ebisanga ezali chaîne ya ndengeni. Moutou nyoso, j'ai contacté 12 personnes. Ba ebisinga prof ko kendete, wane ezali chaîne ya ba milouvor. Nga bia bon? Oui, kokendete, excusez-moi, kokendete ezali chaîne ya ba milouvor. Ah, invitation pena sinandimaki. Bon, biso tozali ba dragon rouge to affrontaka. Na bibon na kokende to ye baso ezali ndeni. Quelques heures avant émission ebanda, notre ami le journaliste ya chaîne wana ayeko ebi sanga lobi a profozo eba ke lelo goza la face ya milvor. Abia bon, c'est bien. Nakutu na luka kabango, na luka ba milvor tozala. Tozala na plateau, tozala, tosolola. Problème ezate. Il me dit lelo na koza la milvor à 100%. Na lobi zala milvor zala taliba problème ezate. Na luka akutu bino. Je pense que ce qui a zola ndangai, azo reconnaître yango et c'est enregistré aussi na koyiko tchela bino yango. Alors to bandi émission ce qui bokeyi na Congo synthèse. Vous allez voir comment est-ce que l'émission s'est passée. Vous allez voir. et émission wana soki bandeko mususu ba milouvor ba tali yango ezali juste une leçon na ba milouvor. Donc biso tozala ko ba milouvor te soki olingi ko telema pona ko bundela mboka nous on se prépare to yaka boyete o lalio la moki o sutuika boyo bandi ko défendre moto moko ko tribi moko boyo. Nous on se prépare. Alors, Moutounio, ce soir, lundi, émission, hein, Yemoka ko jige, qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'abord, la première question, oh, Yonazwaki, oh, prof, elle, tu avancé, tu lobby, que yo, roya, awa, bah, tu es belé, bah, yebio, et puis, bah, tu es belé, pe, bazali ko boya, que ozali professeur, te, pe ça, kombu ya université, tangisaka. Ah! Voilà, première question. On a donné, et puis, Toyego Yoka, l'issue après, le journaliste nous dira que non. Et ça peine à professeur Moko Alekaka, Awa, Yepe, Abande, Kobunda, Lokola Yo, Koleka Yokutu, a changé, Kombonaye, Pasteur, Julien Tchakoudia. Natango na Lobaki, n'a pas sa réponse que Nazali, professeur. Le journaliste là, Andima Kite, Alobi, ah, kaka professeur, Kombo, ya, esiko tangi sa gezate. To pesi bisika to tangisaka. To pesi pe na bakur to tangisaka. To pesi. To enumere nyonso ba set kur to pesaka. Na ba nivo to pesaka bakur wana. To pesi pe bakomba universite. E komi na tangwa Tchakoudia, gabi abo, Tchakoudia e professeur. Alors, azali professeur na universite ni. Oh non, azali partout na Canada, na Europe. Ah! Pande kwa Canada boye yu sabiso, investe nini Julien Tchakoudia tangi saka. Boye yu sabiso, toye ba, investe nini Julien Tchakoudia atangi saka. Moi, je ne le connais pas comme professeur. Pourquoi? Nalobi kaka boyete, c'est un gars que je connais qui m'a contacté, na edeye, pour que na ba organisation à droit de l'homme na kore ba pesa ye moi mbongo. Alors, je lui ai dit, bon, bako pesa mbongo boyete, tinda CV na yo. Alors, c'est à partir du moment où elle a tindi CV, Nazala qui surpris de voir que un Julien Tchakoudia qui parle trop. Nazala qui surpris na mona CV na ye. Na publié ki yango na Facebook nanga soki bolingi boko kota na Facebook nanga boko mona yango. Na kati ya CV na ye nulle part, monsieur Julien Tchakoudia a mentionné Azali professeur. Nulle part. Il parle trop, il y a un agenda diplomatique, il y a un agenda diplomatique, pouvoir, ceux qui sont en Sud-Afrique, ils ont pouvoir, il faut passer par yé, yé, yé, bani partout. Na CV na yé, rien, rien alors, rien dans ce sens. Je me suis dit, mais ce monsieur parle trop, qui le professeur, mais CV na yé, rien, rien du tout. Je vous dis rien. Ceux qui ont publié, ceux qui ont publié sur Facebook, vous allez voir. Alors, à partir de ces jours-là, j'ai douté de ce monsieur. Voilà. Donc, c'est un monsieur au Azali qui a poussé Batoubazonga na Congo, qui a épaulé Félix. Mais Félix au Azali qui a épaulé, Bandeko Boyebi, après le discours, il y a Félix sur FCC Cash, na Bimaki na live, na Bandeko ko Sika Mingi. Nalobaki rip na ba milouvor. Nalobaki rip les gens ba comprendre kingati. Nalobaki boye. FCC so ki ekufi. Ezalaki volonté ya Kabila. Kabila nalobaki boye na live wana. Kabila na Félix ba fundani na Union européenne, na ONU, na Union africaine. Bafundani Félix Alobi, oui, tout cela qui dit na Kabila, mais Kabila azali ko empêcher ngana travailler. Ba ministre ya Kabila bazali ko respecter ngati. Parlement o ezali à majorité Kabila bazali ko respecter ngati. Alors mutuazo pe sabango entêtement wana po ba respecter ngaité ezali Kabila. Kabila pe aye ko loba, oui, dit lesali, mais Félix azali ko respecter di loanati. Après ba yoko pesa bango ba recommandation, ils ont recommandé à Kabila de se mettre à l'écart. Atika Félix, Asili Samanda Naye, Ndenge Dil Nabango et Lobby. Excusez-moi. Kabila ati azala neka atika Félix asili sa mandat na ye ndenge ba yokanaki na deal. Alors comme ba ministre parlement sénat gouvernorat bazali ko respecter Félix c'était ezali chef na bango autorité morale na bango Kabila mutwazo antete bango on a demandé à Kabila de dissoudre loko akipe yango lisusu te. Donc, AKP sous FCCT. Voilà pourquoi vous avez vu, Nalobaki Angona live, qu'on se mette à l'écart brutal, ya Kabila. Batebele qui ne comprennent pas des choses, non, Kabila Sundoli FCC, voilà, voilà. Oui, à Sundoli FCC, parce que Zala qui recommandation, ba pesa qui est, à Zala Nekar, à respecter deal, Félix peut respecter deal. Nakati a dit Félix a respecté nini bayoka na yike Félix a appuyé candidature ya Kabila na 2023. Bayoka na yike Félix a ko dirigé tu na 2023. Mais Félix a lobi 2 ans où on a dirigé te batu ya Kabila bazo bazo empêché nga na diriger. Oui, ça mensonge le kolaboyebi. Alors voilà comment Kabila a se retiré. Oyo balobi Kabila batindi na Cuba, Kabila basali boye, c'est pas vrai. Kingakati, buku ya lupangwa Kingakati reste toujours au nom de Kabila. L'avion présidentiel reste toujours au nom de Kabila. GLM reste toujours au nom de Kabila. Oyo mutunini, oyo Félix ba Milouvor ba Bengani, a komi réfugié na Cuba, a kepe na kiba na avion na ye, et cet avion, comme vous le savez, c'est l'avion de la République, et zali bien public na biso, mais Kabila zo tamblo nango loko la bien privé na ye. Alors, Kabila a zana droit ya kovanda partout ou alingi na Congo, soit a lobea kena mbunjima ya okende kovanda, soit alinga kende katanga okende, soit alinga kende bandundu okende, oriental partout a kokende. Alors, et pa yuwa pi bobengani Kabila. Alors, donc, bandeko bandima ki bisote, ozali lukuta, ozali kokosa, fachi beton, siko yo bomoni FCC, pardon, bomoni Union Sacrée oyo, banani bazali nakati. Mende akoti Union Sacrée, kundabatuare akoti Union Sacrée, soki Jean-Marie Runiga akoti Union Sacrée, mutatikali siko yo, Paul Kagame akota Union Sacrée. Et soki botali très bien, nomenclature wana soki botali yango Paul Kagame azali ko autorité morale ya Union Sacrée parce que ezali juste même batu oyo bazalaki Paul Kagame ko autorité morale ya FCC et maintenant le même personne baye na Union Sacrée na bino Paul Kagame est l'autorité morale ko autorité morale de cette Union Sacrée et loko ye ko conforté ba dire na biso ba révélation na biso ezali déclaration de Lambert Mende. Lambert Mende a bien déclaré Union Sacrée au ezali nini. Alors, cher Milouvor, to yebite vraiment ata seconde moko soki bokoyi ko defata mwanda mbuya soni. Ata seconde moko soki bokoyi ko defata ndambu ya soni. Moi, je croyais à cette allure ici, dès que ma cambozo kendele, ba milouvor ba koya sou na réseaux sociaux té, ba milouvor ba kobima sou na ba télévision té, ba milouvor ba kokosola sou té, parce que ezali honte tribale. Ezali honte tribale. Mais, malheureusement, bazali bandeko oyo ba botama avant Sony, c'est-à-dire bango ba yebi Sony té. Et comme vous le savez, la sorcellerie et longola batu soni. Butu soya azali nandoki, soni et longwaka. Alors, bazali ko continue toujours ko supporte ndeko na bango na ba mensonge, na kadiosha, Vous remarquez qu'il y a 2 ans où vous l'avez supporté, naba mensonge, naba attaque, naba calomnie, na nyonso. 2 ans où vous l'avez fait échouer. Si Félix a échoué pendant ces 2 ans, ezali bino ba milvoro ba tubo aidé pour a échouer. Il y a un ami atindelinga quelque chose ridicule, mais quand même. Moko soke loka osa les ate totala nan ndekwa tindele bisoni. Na moni en milovor na une chaîne, je pense, de télévision, ou bien zani na kishasa. O azali kolobe la makambo, comme d'habitude, kwa priye chef na bango a monsieur Lidio National. Monsieur wana ava banda lobi, mais ezana eloko moko ifuna lobe la, parce que trop c'est trop, il faut lobe la yango. A lobi boye. Eza na tata moko mandefu ya pembe partout. Mandefu ya pembe, suki ya pembe. Tata wana avandi na mboka oyo babengi Kore. Tata wana mikolo nyoso kwa kakombo ya Felix. Chaque jour ye eloko mususu te kakombo ya Felix. Et j'ai eu cette question na tele, na chaîne ya Congo Synthèse. Pourquoi yo otingama kaka Felix, olata kaka Felix? Cher Milvor, na yebite, est-ce que bokenda classe ou bien borata classe lokola Félix Yemoko? Ngai oui, j'ai répondu na Congo Synthèse. Oui, na tingama Félix, na bakisi kutu, na tingama ye lokola Sonzo, c'est ce que je l'ai redit. Ezali bokoyi kolanda yango après. Na tingama Félix lokola Sonzo, oui. Pourquoi? Parce que Félix me représente négativement. Parce que Félix ne mérite pas à représenter Ngaï. Parce que Félix a zo remplir aucune condition, aucun critère yako représenter Ngaï. Voilà pourquoi na tingama ye lokola Sonzo ti akokende. J'ai dit na Congo Synthèse et batu ya chaîne wana pena ki chassa soki bazali ko landa Ngaï fungula makutulu wa. Fungula makutulu wa. Na tingama Félix, un jour je vous ai dit, na période oyo, moi je suis le spécialiste de Félix. Ba mususu boza la ba spécialiste ya Banya Molenge, lokola notre grand frère qui est aux États-Unis à New York, le professeur Yalengi. Ngai nazali spécialiste de Félix. Donc soki makutu na bino bakanga bo fungula, bo yoka. Nazali spécialiste, nazali un activiste, nazali un citoyen, nazali un résistant, spécialiste de Félix. Donc, ndeko nyonso o ali ko koma, ko loba. Makambo pona Félix, il faut aya e pa na ngai. Ngai so nazana besoin na yeba makambo abana mulenge. Na okende pa grand frère na biso na États-Unis na New York, professeur Yalengi. Na kokende pa Kerwin Maizo. Na kokende pa Kuluto Honoré Mbanda. Voilà, le peu de batu baze ebele me na koyi kotanga wana. Soki naza na besoin ya makamba sécurité amboka na biso na okende pa Kuluto Honoré Mbanda. Voilà, bamboke me ba place bo vandi, ba milouvor. Vous allez voir ba journaliste spécialiste ya boyi. Colette Brackman est spécialiste na politique ya Congo. Tozo mona Sonia Rolex Azali spécialiste ya Congo. Alors ngabozo boya na sa spécialiste ya Félix pourquoi? Nazali résistant spécialiste de Félix. Mukolo Félix a rejoint Froui. Na koluka mutu mususu pona me spécialiser pona ye. Pour le moment, nazali spécialiste ya Félix. Boyoki? Est-ce que boyoki gai? Segar l'a dit, mais il y a un journaliste à Bakissi Albi, il y a un journaliste à journaliste Albi, oh, mais Aza professeur, bi, oh, Aza professeur, ti, Botuna Zakari. Botuna Zakari, ma basse. Alobi, monsieur Wana Yombi, Azala qui cuisinier, il y a Saddam Hussein. Saddam Hussein, le fils de ya Marshal Mobutu, Azala qui kolamba na Yoshad, et pas ya Saddam Hussein. Alors, na tango ba bengani Mobutu na Afdel, Monsieur Yombi, Akimaki na Brazza, na Congo Brazza, après Congo Brazza, a keko se retrouvé na Corée. Et koko ma kompe na Corée a continué musala na ye ya kolamba. Ya kolamba la barifijé. Mais na explika bino, cher Milvor, avant ya kosala kadiosia, vous avez quand même attendu na ndamba mayele ya koluka ben formation. Est-ce que lukuta o nazo sala? Eko simba ou bien ko simba te? Eh, d'abord, namboka kore centre ya kolamba ya barifijé zalaka. Ezalakate, ezate lokola na Europe. Oyo ba centre ezali ebele ebele, bazolamba ba réfugié, bazopesa, ezalakate. Ezalakate. Et puis, na mboka kore na restaurant. Pomo na moto mwindo na restaurant. So lingi restaurant na yo ekufa. Restaurant na yo ekangama. Ba kliya ba kota te. Zwaka ka moto mwindo chai na restaurant na yo, ba mona ka ya tambula ka simba ka basani a servir. Lobby na tongo so ko mona ta client moko. Na pesa un jour un exemple d'un Congolais azali pe na Kore. À cette époque là balaka riche, une fille riche ko balate me azali ka na copine ba botana ye mwana. Riche azonga pe pa na bango. Congolais oyo ba yeko zwa musala na usine moko ba sala ka ba biscuit. Usine wana bazana politique chaque 2-3 mois ba client na bango ifu ba ya. Po ba tala ndenge nini bazo sala ba biscuit. Ah, à partir ya biloko nyonso ndenge ni bazo sala ndenge nezo kenda ba chaîne ndenge ni bazo ambalé ti na esika ya ko bimisa yango po ekende e pa na bango ba client. Eza politique na bango ko loba ke non, en tout cas ba produit na bango ezali ezali sain. Alors un jour bango ba bosana ike na bana misala o bazui mutu mwindo azali ba client ba ye groupe. C'était un samedi. Ba parke ba voiture ba kota siko ba banda orientation ba lekisa bango ndenge nini ba sala ka ba biscuit. Na ki di ba kaka boye ba moni moto mwindo. Na ba machine kuna zo simba ba pate. Mamo wani. Ba client oyo ba silisa ki orientation te. Ba yebisi mukolo yijine. Eh, moto mwindo azali awa zo simba ba biscuit ba tubakolia. Ijine kangama soki 2 semaines. Mutu moko ya Korea landa mutu mwindu oyo. Azwa ye akenda kukotsa ye na toilette. Nani ayebi shobi makotoyo. Bayebi saki bino bovanda kuna na sima. Mutu mwindu babengana ye. Babengana ye azwa salaire pe. Babengana ye azwa salaire pe. E puta bayebi saki ye. Ba client bako ya. Kobi makoto te zala na sima kuna. Alors, na tango bozo sala kadiosha na bino, ifu ko yeba, eske na mboka na tozo sala kadiosha, batu mwindo bako yiko lamba na cuisine. Mutu mwindo bako yiko lamba na cuisine, ko lambe la batu. Ezate, yana pa. Soki ezali, bo benga tande kona bino moko na kore, a filme, mutu mwindo na kata restaurant, azo servir biloko. Soki bomoni mutu mwindo ayo servi biloko na restaurant. Restaurant ezali ya batu mwindo. Mingi mingi ba Nigeria, ba Ghanéen. Ou bien restaurant wana, mubali ou bien mwasi, azali mutu mwindo. E mutu mwindo wana pe, ako zala kote asima, ako sukula kaka basani. Koto ko servi, ako yate. Waba kliyaba okota lisusu te. Ifu ko yeba, ya wana loba hake, ba milvoru baza ba idio moko na ndenga wasaka na te. Lukuta na bango basala kabaye ba ko verifier te est-ce que makambo na zoloba ça va tenir ou bien ça va pas tenir. Donc voilà, ezali aide na votre pesa binom soki bolinko sala kadiosha verifier quand même que likambo oto linko sala kadiosha eko simba bien ko simba te. Ezali réaliste ou bien ezali réaliste te. Ke mbala moko sauter kaka boya oui abandé ko lambe un d'abord Saddam Hussein. Je ne les connais pas physiquement. Moi, na mobutu ya Saddam Hussein, na tikala ko mona yete physiquement comme ça, na mona yete. Balobi Zakari Bababasu yemuta yebi sabango. Le gars là, donné a cité comme témoin Zakari Bababasu. Comme Zakari Bababasu abande ou kende soki na Yoshad, et M. Yombi abande ko lambela Saddam Hussein kuna na Yoshad, Zakari muta yebi sakibamo. Hey, d'abord, c'est Zacharie Baba, c'est moi, je ne les connais pas physiquement. Je ne les connais pas. Moi, je suis un peu Saddam Hussein. Non, monsieur Yombi, abadai ko va na kikwit. Ba benga na ye na kikwit. Ba na kikwit. Ben kula mu na kikwit. Ba lobi, ba benga na ye na kikwit. Alors, ayaki na kishasa ba na ye ko vanda. E pa ya tata mwasi na ye na kingasana ya suka. Ma bon frère, vraiment vous me faites rire. Hein? D'abord, un, histoire biologique ya famille na biso, na tika ko za la tata mwasi te. Donc, ce qui est ngai dans ma vie, appeler quelqu'un oncle, c'est que oncle wana zali peut-être oncle d'un ami. Tu as un oncle, tu na yebi ete, tu as un oncle. Donc, tu as un oncle, tu as un maman lekite, tu as un maman kouloutoute. Notre maman était seule, fille unique. Notre père, babota maka 3, bandeko na ye bakufa. Alors, pour nous dire qu'il n'y a pas tata mwasi na ye, il faut qu'on yeba d'abord, famille ya mese yombi bazande geni. Tozana tata mwasi te. Tozana tata mwasi te, tozana nokote. Tozana cousin te, tozana cousine te. So ki bo yoki na zo benga cousin, cousine. Se ke peut-être moutona tozana mboka moko. Se ke tozana boye. Alors, quand je suis venu à Kinshasa, tata mwasi na kinga, moi, na vana na kinga salite, moi j'ai habité Djili, Djili quartier 12. Na bandi na Djili quartier 12, avenue Laïque. Na longwe na avenue Laïque quartier 12, na ke na quartier 12 na C, na Ombali. Na longwe na Ombali. Na ke kofute la ndako, na quartier 1. Na longwe na quartier 1. Na kei na quartier 3 e pa ya Diallo bala njili ba yebi nganda Diallo na futela la nganda Diallo na njili nganda Diallo c'est une maison ya munene appartement ya munene ba porte 14 so yoki ka 14 a ba cette époque là quand même ezaki so yoki ba nda 14 ko banga mais so kei mutu nyo sa bandi ko envie a futela sika wana alors chez mukwayanzo ba oba yeba mukwayanzo ba yebi. So yubo keye pa mkwa enzo kwa yebisa, bilo kiye mese yombi. Donc, moi, na longwe Congo, na zalai kofute la yepa ya Diallo. Na quartier 3, na Kingoi, quartier 3. Bo kende, ba kolege na biso peut-être ba longwa, parce que o bazo kontaktenga, ils sont pas là. Donc voilà, avant yon sa la kadiosha, vérifiez d'abord. Vérifiez, c'est plus simple que ça, c'est plus facile. Kebo mitchana ridicule yaboye hein ba bengana kikwit pe ba bengana ba kikwit tout le monde là ba milouvor ba tondi kuna est-ce que ba bengana ba c'est bon jumai kikwit ba bengana ba tout kikwit ba bengana ba tout hein ba na pungo benza monsieur tonave hein soki boke na kikwit bo tout na préfet Jacques za lokola métis lokola Lokola Katumbi. Botuna ya Jacques na Kikwit. Il était mon préfet. Bana Pungu. Hein? Franchement. Donc, je disais que il faut qu'on yeba, il faut savoir comment construire ba mama son Joana Kadiosha wana. Ça vous ridiculise, hein, franchement. Ils ont ridiculisé Bino. Alors, Union sacrée maintenant, comme vous le remarquez. Tolobaki inyo sacré oyo autorité morale inyo sacré ezali Kabila. Eza Félix était c'est Kabila. Alors, mais maintenant bomoni bato baye déclaration ya Mende Bolandi yango. C'est clair que c'est Kabila qui est derrière cette union sacrée. Et il croyait que Congolais alingi Bemba, Congolais alingi Katumbi, tozwa Bemba tozwa Katumbi mais ce sont des affairistes. Bemba problème na ye ezali que Bitumba oya bundaki j'ai accepté l'inacceptable avec Kabila. l'État congolais va rembourser. Natango qu'il a accepté l'inacceptable, Congolais mutatinda qui était. Congolais te mutatinda qui est, a kene na Uganda, kene gozo ba arma boma ba Congolais, ba ya au commissaire vice-président, a zwa mbongo, ba détruire ye, après Congolais a ya kofuta. Parce que, on nous dit, Jean-Pierre Bemba a porté plainte contre l'État congolais. Nanda kunaye o ba panza. Alors, Jean-Pierre Bemba, mou koloni ni siko, biso ba Congolais te reporter plainte. Na batu o ya boma na rébellion na ye na ba Ugandais. C'est bien bon de porter plainte contre l'État congolais parce que l'État congolais a détruit tes biens. C'est très bien. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a une bongo? Il y a quoi y a bien que l'État congolais a foutaillé, n'engazo senga, parce que l'État congolais a détruit les biens, mais Jean-Pierre Bemba a détruit des familles, des maisons, dans la partie nord-est de Nabiso. Est-ce qu'il est conscient de ça? Jean-Pierre Bemba mutoyé au côté saba Ougandé avec des armes na mboka na biso babo maba congolais. Alors, biso ba congolais te reporter plainte mon colonie. Te reporter plainte mon colonie. Bozumo na donc inconscience ya bato oyo. Alors, Félix a invité Jean-Pierre Bemba. Il a invité l'autre là Katumbi. Ba milouvor ba yebisa ki biso Katumbi, azali kombo na ye azali Soriano. Katumbi c'est un Zambien. Lelo Katumbi a komi Congolais, ba komi ko betele maboko. E sali mikolo boni ba bandi ko swana. Katumbi déclare ba pesa ye primature. Katumbi déclare ba pesa ye parlement. Katumbi déclare ba pesa ye économie. Na yebite ki ye Katumbi dans notre pays? Il faut imposer yé bapé sa yé primatire, yé a comme premier ministre. Na yébité, sur l'expérience ya Zambie, ou bien expérience ni na yébité, a comme la premier ministre. Katumbi a l'obi bapé sa yé parlement, yé a dirigé parlement. A l'obi bapé sa yé économie, a dirigé économie. Quelle audacité! Oh, audacité, yandenge nini! Les mangeurs de pygmées, ngam na lobité, il dépèse ba milouvor bat ba yebisangai. Bemba zali mangeur de pygmées. Kombo na yepe zali na rapport mapping. Po na ye mangeur de pygmées a lobi, ye il faut ba pesa ye primature, ye ba pesa ye parlement. Parce que se ba pesa ye parlement, il faut alongola mobeko oyo ba ezo empêche ye a pesa candidature ya présidence te. En plus, il y a parlement, bape sa ye finance, mbongo kaka. Ba sasagara mbongo, donc finance ezali ya bango. Et vous remarquez que notre idiot national se retrouve mais vide. Donc, ma position nyonso, ma poste nyonso ya malamo clé, Katumbi azo senga yango, Bemba azo senga yango, et ba atipe azali ko senga yango. Et Félix, comme toujours, il est toujours roulé. Il est toujours roulé. Partout où il y a Zokende, batou msousou, batou bazouaka, ba fonction, ba poste, ya makasi, ya pays. Ye, atika la akaka maboko pamba, 13%, negazwa 13%, il reste toujours avec 13% partout. Na Genève, atika la kimoukila, azu et l'okote, akimi. A kamera memye na Nairobi. Kuna ba poste nyoso, ba ministère nyoso clé, kamera mutu azwa ki yango. Na kosi, dil na bango ezali, sur le net. Akeye pa Kabila, Kabila pe a rouleye, ba poste, ba ministère clé, Kabila azwi. Donc, aye pe na inyo sacré, en tout cas, oye li babe poko, aye na inyo sacré alobi ye azali autorité morale, ye mutu azwa chef, mais azwa chef, Bemba ye alobi bo ngana gozwa primature, ngana gozwa parlement, ngana gozwa finance. Katumbi alobi ngana gozwa primature, ngana gozwa parlement, ngana gozwa économie. Ba ati pe kuna primature ye, ngana za informateur, ngana gozwa primature, ngana za majoritaire, ngana gozwa nyonso. Et Félix reste avec quoi? Félix reste avec quoi? Naebi Sabino, j'ai dit et je le répète à tout moment que Félix a koyi kokende sika mokote oyo bazali ko négocier que Félix a zwa gain de cause. Akokokate parce que négocier demande une stratégie. Stratégie bazwa kayango une expérience na kotanga na expérience ya musala. Alors Félix n'est pas passé par là où on acquiert l'expérience. Yango bozomona partout où Félix passe na Ibiza barouleye, na Afrique du Sud barouleye, na Genève barouleye, na Kenya na Nairobi barouleye, na Kabila pe na Kingakati arouleye. Cher Milvor. Cher Milvor. Cher Milvor. Classe au binobo, oh non, biso bato tanga yebele, biso bato lakisa bino cravate, biso bato lakisa bino kotanga, biso bato za ba premier docteur na droit, biso bato za liboye, ba diplomate international. Mais partout où vous passez, on vous roule. Donc, bino ki premier docteur na droit na bino zaika ya maloba, kotanga bato aliboso ya kotanga zalika kana maloba, ba diplomate zalika kana maloba, mais oyo ba premier docteur na droit ya ndenge nini, ba diplomate ya ndenge nini, ba tu ba kenda classe ebele ya ndenge nini, partout où vous passez on vous roule. Partout boye bisanga isika Félix a kenda o ba rouler binote boye bisanga e pai wapi. Surtout que il na politique récente na pesi bino ben exemple na Ibiza ba roulaye, na Mwanda kutu na Bosani ba roulaye. En passant entre parenthèses, avant-hier, Kabund et Némi Wilonja bazalaki na Mwanda. Ba négociation secrète ezole kakuna. Avant-hier, présidence Nabino ba signalé biso. Avant-hier, Kabund et Wilonja, Némi Wilonja plutôt, bazalaki na Mwanda. Mutu na mutaye na équipe na ye. Bazalaki na Mwanda négociation. Négociation ya nini sous. Kabila Bobengani, Kabila Azana Kiba. Alors, na wiloni Némi Wilonja, bozo ke negosye ni na Mwanda, secrètement. Ba ne Congo, ba descendant Mfumukimbango, ba moni bango. On nous a signalé, Kabund et Némi Wilonja na Mwanda. Avant-hier. Alors, chers amis, Milvor, vous allez capable nanine. Vous avez suivi les déclarations. Katumbi est rentré dans Lubumbashi. Il regrette, Bemba regrette, pour nanine à côté na union sacrée, à côté na union sacrée. Katumbi regrette pourquoi à côté na union sacrée. Mende dit, faites attention na bato bazo kota na union sacrée. Parce que cette union sacrée, l'autorité morale reste toujours Kabila. Alors, cher Milvor, bozo ponate que vraiment, idiosi na bino ezali vraiment toyebite to lobanini. Toyebite to lobanini. Vous êtes capable de rien. De rien, de rien alors. Balobi, ma professeur, il y a réseaux sociaux. Balobi, ma résistant, il y a réseaux sociaux. Et pourtant, misala, si au monde, mon bimba, misala, les autres, il y a réseaux sociaux. Oyo bato, ba bolole, en dégénine, n'a pas évité. Tout se passe dans les réseaux sociaux. Même ba classe ba cour réseaux les gasoute physiquement ils ont les canaux réseaux sociaux en passant bozomo na photo na simana biso bandeko bazali na YouTube o bazali na Facebook bozomo na te o bozali na YouTube bozomo na biso bango yewana zela na bongama il faut faire comme voilà bomoni wana ezali na Amérique ngaye wana na tableau na yebite nazo sala nini na kati ya auditoire oyo na yebite vraiment. Alors, bozomona mwandamba batu mwindo bazali me bazali ba américain. Bozomona na Mindela. wana bazali mindela. Ah. Po epana biso makamno se uta ka epana bango mindela. Makamno se uta epana mindela. Biso to prouver na onte. Jusqu'à la preuve du contraire to prouver na onte. Nyo sezo uta epana bango. Alors soki mindela balobi yaka tangisela biso bana. Bana na bango bango yeyo. Bana na bango bango yeyo. Ah, cher Milvor. Bana ya mindela bango yeyo. Ibosola. Ngayo wana nazokoma. Nazokoma na tablo. Mazaya nazo beta bango na ndenga wosakalati. Boko la kisanga mwana moko ya famili Tshisekedi oya koyiko tele maboye. Eza ye moko Tshisekedi wa mulumba. Azaki premier docteur na droit. Botiko omone ataboye. Soki na kosi bo bimisata foto kasi. Soki na kosi bo bimisata foto. Ah. Dit amen. Denge ndeko na biso Fabio Koswanika lobaka. Na yebi. Na sami teme abomi yebi bino moko. Voilà. Wanezali biso. Et triste nouvelle ezali que na bameko makambo ya réseaux sociaux. Bomona ki ndenge bakundaki, kokundate ndenge babwakaki ba le reste ya ba militaire na biso. Oyo bakufaki na ba crash ya ba hélicoptère. Ezalaki ba crash te ba hélicoptère wana ezalaki abati. Ba roquettes, ba betaki ba hélicoptère wana nyonso. Félix Azui, ba militaire na biso, kofuta na nazo futa bango malamu te. Ba tie bango na ba sachet otobwaka na poubelle. Babouaki bango na fosse commune. Et quelqu'un nous appelle hier pour nous dire que non, bakenda yuko kundula, ba reste wana, même si est baby déjà, ba yaki nango na Kinshasa, po ba kundango dinima. Et quelqu'un à la présidence nous dit que, oh, prof, oyebi que, ba kor oyo balobi bakenda yuko kundula kuna, po ba yako kundango dinima na Kinshasa, ezali lukuta, ezali juste ba serke ya pamba. Batikali kokundola mutu moko te. Bakundoli mutu moko te. Juste Félix a moni ke ndenge botie makele lebele na réseaux sociaux. Il semblerait que Félix a landa biso na réseaux sociaux. Et pourtant, ye, azali mouninga na biso na réseaux sociaux. Ba milouvor vraiment ba bongo na bino na ebite, so ezali ndenge ni. Non, bolo bakaboye, est-ce que Félix d'abo a ki pakabino, mais Félix a za mouninga na biso na réseaux sociaux. C'est notre collègue ya réseaux sociaux. Tokuta na kana réseaux sociaux ne écoute na zabo ya zali. Alors ndele bolobi na réseaux sociaux bazui ba cercle ya pamba ba yena ngona kishasa ke non ba uti okundula bango pour que ba kunda bango dinima mensonge. Et lisusu bomoni bandeko na biso na ba garde ya park 6 je pense oyo ba uti ko boma na partie est ya mboka na biso. Mes chers amis Milovor, est-ce que bosi bo yoka, même pendant une seconde, un Congolais akei na Uganda, un Congolais akei na Rwanda, un Congolais akei na Burundi, ba bomi même fourmi, na lobi batute, fourmi, ya ba mboka wana. Botange langai, bo pesanga date, oyo boyebi ke un Congolais akende na bamboka wana aboma ta fourmi moko ya bamboka wana. Notre national a promis que akende kocha état major na Beni. Beni na ba bamboka o ezali pembeni nango chaque jour tozali ko compter ba mort ba mort ba mort. Lobby, si je ne me trompe pas, 41 Congolais babomi. Lobby. Silence total, ma présidence. Silence total, silence radio na gouvernement. Et à la ba militaire, na biso bakufaki na ba hélicoptère. Ce qui te lobakate, silence radio na présidence. Et voilà, toye komona ke bana na biso ya lusha. y a Lucha, je pense, c'est comme ça, Babengarango. Ba défenseur, il y a droit de l'homme. Bazali condamné à 20 ans de prison. Banana Biso Oyalucha condamné à 20 ans de prison, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont tué, c'est parce qu'ils ont dénoncé un président criminel. Parce qu'ils ont dénoncé la gestion d'un président escroc, d'un président détourné. Banana Biso Bazali condamné à 20 ans de prison. Au moment où les criminels économiques qui ont détourné des millions de dollars, Bazali na liberté grâce, il y a grâce, excusez-moi la tautologie, il y a grâce présidentielle. Le président gracie de criminels et nos enfants qui dénoncent cette criminalité sont condamnés à 20 ans de prison. Congolais azali kotala, Congolais azali koloba ou ezali problème na yete, ça ne les concerne pas. Voilà et loko ou ezali ko pousser biso d'accélérer les fruits. Les processus y a ko servir Félix na fruit, il faut quoi accélérer yango. Et si les gens croient que biso tozali ko ya ko sa la blague, wait and see. Oyo mboka ndenge nini? Biso ba tozali ko dénoncer mégestion na mboka na biso. Tozali ko dénoncer que le président ne mérite pas et si kawana azali, on nous empêche de rentrer au pays, on nous recommande de mourir en exil, nos enfants sur terrain qui dénoncent sont condamnés à 20 ans de prison, mais ba milouvor toujours na toile rentrer au pays, venez au pays yako bunda na mboka. Ba o bazali ko bunda na mboka, bozali ko kata bango na 20 ans de prison. Et vous nous demandez que toya o liste comme moulaï. Quels idiots! Oyo ba idiot ya ndenge nini? Bana na biso ya Lucha, bango nyonso bakangaki, bakosala 20 ans na prison. Je m'aimerais dire na bandeko, na ba activiste ya droit de l'homme en général, et ba activiste ya droit de l'homme ya Lucha, soki bokeyi ko visite ba na biso boye sa bango bazozala libéré kalate. Bakozala libéré kalate. Bakozala libéré kalate. Vraiment ataku to bozali bandoki. Ata boza mutema mabe. Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Bana oya lucha, basali nini. Ko kritike Félix Sezali, ko buga mibeko. Ko lobe la partenaire fiable ya Félix Paul Kagame, ezali ko buga mibeko. Na kishasa kaka ko signer ba grâce présidentielle, ba criminel bazali ko yiba bambongo, bazali ko buka ba caisse, bazali ko boma batu, bozobi misabango. Edi Kapend, entre Edi Kapend, na bana oya lucha. Nani ya koyiko bénéficier ya grâce présidentielle? Nani a koyiko bénéficier grâce présidentielle? Entre ses enfants, naba PDG ou outi ko bimisa na grâce présidentielle, ba nani président ba ko mérité grâce présidentielle? Ne vous en faites pas. Je pense que Boyebi Bokassa premier. Bokassa premier était empereur de la République centrafricaine. L'empereur Bokassa premier. Mbongo nyonso qu'il a détourné à kendeki na ona France. Ba français ba silicier nyonso ti ayeko tika na maboko ata 1000 euros azalaki na ngote. Ayeko zonga na mboka na ye. Bonzo bambongo, amenez tout. Oh, bolingi, bokene ko déposer na Dubaï, bokene ko déposer partout. Mais, boko finir très mal. Boko finir très mal. Continuez toujours à supporter votre frère. Na ba bêtise. Bo continuez toujours. Aza toujours ma boko pembe. Faut exacte, Saint-Esprit. Un diplomate. Un stratège. Mokonzi a union sacrée. Mokonzi yankunda batware. Mais, batwa lingala balobaka zala na mbangu. Bandeko balobi ninawa. Moi, je pense que ce qui reste pour les Congolais, ezalis tiko tozali kota la responsabilité ya mutu na mutu, nani akoyi ko sauver mboka na biso na nini? Nani akoyi ko sauver mboka na biso na nini? Je pense que tozala na processus moko ya ba fruits croisés. Mutu na mutu, batu na ndenge na bango, na group na bango, bazali koluka mwaye ya komema ba fruits. Bafouye ezali, ebele ezali. Le problème ezali après froui que ces idiots ba récupérer situation te. Nazolo bango toujours nazo répéter. Ah bino pe froui ango kalawane zo yate oui. Froui ezali, mais il faut qu'on yeba après froui que ces idiots ba récupérer situation te. Parce que en réalité nos amis Milovore ils doivent attendre peut-être 50 ans pour que bazwa pouvoir. Parce que tozo mona ba couleur nyon se pas na bango. Avec Kasavubu, mbuta Kasavubu to moni biloko te. Na yebite bana ya mbuta Kasavubu oyo bazali. En tout cas na tiko mona mwana mbuta Kasavubu mokote na orgueil ya boy. Na tiko mona ne Kongo mokote na orgueil ya boy. Toye pa Mobutu. Bana Mobutu malgré tout ebele bakufa mais oyo bazali. Esika bazali mokota zobi misamutu mbongo o papa na bango atikeli bango oyo bazwa, ils peuvent rentrer na mboka na pe basali batapage. Parce que Congolais akipakate ke mutu asalabo yisi fyo zonga mwa t-shirt ezali. Moi, ça vaut les ali, moi, 10 dollars les ali, Congolais, Rolanda, yo. Avec Mobutu, totiko mona bangbandi boeti. Bangbandi bazali, d'ailleurs, ba victime, bangbandi bazali, kotambula lokola ba citoyen, normaux, sans problème. Laura Désiré Kabila, totiko mona batu ya manono boeti. Mais avec nos frères, bozo mona ce qui se passe. Avec nos frères, nous avons ce qui se passe. Kabuya Azali ko promené avec ma garde républicain. Donc, avec ma militaire. Moutou Oazan a besoin de sécurité dans un pays qui se respecte. Bakope, ça y est, gagne na koyo ke na Congo, je peux acheter la sécurité. Na koyo ke na bureau ya la police. Na futi mbongo, ba pesinga policier moko, ba policier mibale, ba garde ngaye. C'est normal, ça se passe. Mais ba militaire te, mes chers amis, Milovore. Ba militaire te. Votre kabouya azali ko tambula na ba militaire. C'est-à-dire que ba militaire oyo, to futa ka mbongo po na bango, ba mbongo na biso bazali ko futa bango, pona ko sécuriser mboka na ka ya guerre et bazali ko détacher ba militaire wana au moment où na minembo tozana besoin ba militaire wana na beni tozana besoin ba militaire wana Mais voilà, Félix a détaché ma militaire Rwanda pour que va garder Kabuya. Qui est Kabuya dans ce pays? Mes chers amis, Ata Kutu, Ata Bolobi, bon, Tondimi, ils allaient pouvoir, Nabino, Tondimi. Tondimi, ils allaient royaume, Tondimi. Mes chers amis, Boyebi Congolais, na Est Yamboka na Biso, ba Congolais boni bazana bezo ata ya militaire moko. Ataka ka d'une façon dissuasive. Militaire azalawana telema. Ba mona ke militaire a telemi wana. Pour que Congolais se sentent en sécurité. Parce que na Est Yamboka na Biso, kokene bilanga izali en sécurité. Kokene kotoka mai na zamba izali en sécurité. Kokene koluka iloka kolia izali en sécurité. Mais ceux qui ont une même présence, il y a militaire, moko a telemi kaka, a telemi. Et quand il y a la malam pour la politique, il y a dissuasion, il y a bangouna na biso. Mais voilà, Félix a détaché ba militaire wana pour apesa et pas ya moutou a zala moutou macrocéphale, le kola bata néandertal, ba kengela ye, ba garde ye. Et azali orgueye vantar nangope, il se défend. Mais non, mais tozo mouna makambouna bidon, vraiment, franchement. Franchement, yangona zoloba, Congolais soit azali conscient. C'est un groupe de gens qui ont pouvoir peut-être après 100 ans. Parce que ça, l'année toki na tour de rôle, ba tribu haute aux alliés. Mais franchement, après 100 ans. Parce que makambou haute aux mouna, tozo mouna ba couleur nyos. Bon lobaté, bon consolaté, bon critiqueté, bon dénoncéte, bon bêta kaka maboko, bon bêta maboko kaka. Mais ça ne va pas marcher, hein? Na lobango, soyi Kabila sala ki 18 ans. Franchement, avec votre national, akokokati. Akokokati. D'abord, 5 ans à Okokati. Non, il doit manger. Il faut aller à fruits. Il faut aller à fruits parce que, ce qui, bon, il y a un avantage, ce qui Félix a les fruits. Ce qui Félix a les fruits. Avantage, Zali, que après Félix Moutakoya, vous êtes responsable. Quelqu'un au Azali na maîtrise ma case pour la sécurité dans le cannabis. Quelqu'un au Azali na leadership pour le cannabis. Quelqu'un au Agoya na politique moko oyo toko telema ngwi contre ba paya nyonso bazali ko déranger biso na est ya mboka na biso. Après Félix Moutou au Agoya ozala Moutou azana connaissance makasi ya économie. Quelqu'un qui peut défendre notre pays ba minerai na biso ba intérêt na biso. Na kotika la atiko détailler nyonso. Ce qui Félix Salem Mbouma, avantage Zali que Barouande Bako Pakata. Avantage Zali que Nkunda Batouare Ako Zonga Kota Outi na Rwanda. Avantage Zali que Jean-Marie Roniga Ako Zonga na Rwanda Kota Outi. Avantage Zali que décret pour na Minembo Eko Zala signé. Avantage Zali que Kabila Ako Kangama Yasolo Ako Kangama. Avantage Zali que Balambert Mende Bako Kende na pension. La retraite politique. Alors, nani alingite kundabatuare azonga na Rwanda, atombola musaki. C'est que Félix Atikala. Nani alingi Jean-Marie Roniga Oyo azonga Rwanda tatikala na Congo, atombola musapi. Nani alingi Kimia ezonga tena mboka na biso na parti est na biso atombola musapi. Nani alingi décret a Minembwe ezala signé atombola musapi. Soko zali pour décret ya Minembwe ba signé te. C'est qu'on votait Félix Atikala, alia Fruité. Ce qu'on lingi Nkunda Batware, Ndenga Zongi, Avanda Wana. Ce qu'on lingi Félix Avanda Atikala. Ce qu'on lingi Ruberwa, Azonga. Ce qu'on lingi Babosko Ntangada Wana, Bazonga. Non, Congolais moko lingi makambwana te. Congolais nyo sa lingi Minembwe, Mboka na biso ezala na Kimia. Congolais nyo sa lingi Barwande Babanga biso. Congolais nous salingi ba Ougandais ba Burundais ba banga biso. Congolais nous salingi minerai na biso ezala ete kama parti à Congo, ete kama na Rwanda te, ete kama na Kenya te, ete kama na Ouganda te. Alors, oyo nous salingi Congo na biso ezala respecté. Ce que président ya mboka na biso akeyi quelque part à Télémi, oui, mobali bongo azali à Télémi. Donc biso nyonso il faut le bamen Félix Aliambouma akende kokuta mboti na ye na lifelo akolia yango comme ça bande ko na biso ba milouvor ba komona mutu ako ya après Félix ndenge nini gestion ya ba tribu ezalaka mbuta kasavu bazalaki na pouvoir même na tamu ke wana ba ne Kongo batie ko mone la mutu mokoti mbuta azalaki na pouvoir mungala ko longwa Equateur ke ko vana Katanga mutu bandunda ko longa bandunda ke ko vana na Mbujimayi Muta Mbujimayi ko longa Mbujimayi ke ko vana na Bakongo Eza mboka na ye, sans problème. Lelo o ekomi, bayaka. Lelo ekomi bampangistane. Te, nous devons réunir notre pays. Alors, Félix doit partir. Félix doit partir. Félix Azali, un président le plus populiste de l'Afrique centrale, un président tribaliste de l'Afrique centrale. Nande konaye moke Kagame. Vous voyez na Rwanda, Kagame donne des avantages seulement aux Tutsi. C'est comme Félix, il donne des avantages à ses frères Luba. C'est clair. Congolais de Kobanga, nakolobate, ceux qui na lobby nazo banga ba Taliban, ceux qui na lobby nazo banga ba Milouvor. Alors, botika pe koyela biso na inbox. Ah, papa yombi, bakambolobi penza eza solo, ba milouvoro penza ba lekisi. Papa, mama, ba milouvoro ba lekisi, yo zo salani, ba milouvoro ba lekisi, moussala na yo responsabilité na yo ezalini. Bande konaye, o akoti na inyo sakre ba bandiko panzana, ba regroupement o na lobaki, parce que Félix ne va pas considérer ces gens d'une façon individuelle. Ils ont la caté na politique. A cause de Bango Kaka, na ba groupe. Si on va dire se regrouper, FCC va se regrouper, va comme majoritaire. Alors, si on va dire ça, vous avez un bolole, vous avez gérer un pays, ce n'est pas au vendu nanda kuna yo, nanda kuna bino pendant 54 ans. Mama mata zo lambela yo matamba, bazo lambela yo mitu ya milu ozolia, olalo la moki ke non je peux devenir président. Ezali panangu bate, ça se prépare. Ça se prépare. Oyo bandimi la ki bisote que ça se prépare pas. Bozo mona sikoy. Tout ce que Félix fait, ça ne marche pas. Parce que leadership ezati. Leadership ezati. Ezate. Et leadership ezali panango bate olale olamuki lobby comme leader. Eza bongote, ça se prépare. Yango pe tozo pesa conseil na bana na biso bazali kolanda biso. Bana na biso bazali kolanda biso, il faut koyeba soki olingi ozala mutu quelque part un jour. C'est ça le moment de se préparer. Tanga malam. Luka ba stage belé. Luka ba placement même volontaire belé. Kozala kaka te o luka nonga la liika ka musala o ba futaka. Non. Soki musala o ba futaka ezati. Ko chome nanda kote luka musala o yoko yiko zala volontaire. Volontariat ezala toujours. Au moment où ozo sala volontariat, vous cherchez un travail payant. Ne restez pas comme ça bras croisés. Que non, misale zate na vandi na zoze la musala. Non, ce qui misale zate luka expérience d'abord na volontariat. Et kozala un plus un jour pour na yo. Voilà notre frère Félix. Il a raté l'école. Il est resté à la maison pendant 54 ans. Moussala Mokote même volontariat à salité. Ba minouvoro ba vandi na Belgique. Un jour, ba yeko mona ke non. Yepe ko senge leki. Akota na ba rasomba kate. Kaka ba pesa ye, kaka ba somila ye. Mwana tisekedi ya ye. Moulangi moko pona mwana tisekedi. Moulangi mi bale pona mwana tisekedi. A leki si pe. Di, bo pesa tama Moussala Mokie. Ba pesye Moussala ya ko de livre ba pizza. Livraison à Pisa, il a fait ça très mal aussi. Azo bosse à ma adresse. J'ai parlé avec son collègue, Abanou Olivier Pisa, qui m'a dit, prof, pardon, que le bakombo n'angate. Félix même na Pisa, Abanou Olivier livré. Ce qui m'a pécié liste, il y a ma adresse. Moutouboye, une adresse, il a commandé modèle, il y a boy. Moutouboye, il a commandé boy. Félix, ce qui a vu moto à Kéi. Félix a bungi. Félix a mungi moye pe azongezate azozongate me bako benga ye yoza wa abanayi kokosa kaka na kweyaki o na kweyi o boy o no boy ba adresse même ba komeli etala omoni oyo ha oyo so kei a partir a metro boye barabara boye okay. Azo munga toujours son collègue Meladi pisango pe a umelite balongo la kie. Franchement, quelqu'un, 54 ans, resté à la maison, manger le pondou de sa mère, Kolia Milou au Balambélier, 54 ans, sans expérience, ni volontaire, ni payé. Vous prenez un type pareil, vous le placez à la tête d'un pays. Voilà. Bozoumana, c'est quoi ma conséquence? Bozoumana, ma conséquence? Alors, le Congo, nous devons nous mettre d'accord. Franchement, dès que Félix va recevoir les fruits, plus jamais un autre Félix à la tête de notre pays. Il y a un autre télé, mais là, il y a un autre supporté Katumbi. Katumbi, oui, il y a un autre qui est là, mais attention, Katumbi a eu un autre. Moi, je préfère encore Batou Oubino Bozo Singa, le Kola Baboma, Basalan Makambounini. Vous acceptez les Rwandais, vous acceptez les Kabilistes, mais vous acceptez ba Mobutu Sese Seko. Mais na mboka oyo soki to zalaki olongwe bandundu na vélo, okay, Mbujimayi na vélo. Okomi mutu moko a inquiété yo te na nzela. C'est grâce à ba Mobutu Sese. Bino bokani se sécurité ba Mobutu Sese ba bandai ko tsha izaka ke balala ke balamui kaka boye bon, ba beti bâton magique, sécurité ko ya sécurité ko. Non. Ce sont des gens formés. Le long à la cour l'obake, ce qui n'est pas l'obake chance, c'est l'opamba, monsieur Yombi, président de la République. Moi, je récupère tous les Mobutistes qui ont travaillé avec Mobutu pour la sécurité. Je récupère tous les Mobutistes Oyo qui ont travaillé avec Mobutu pour la sécurité. Maintenant, Mboka Nabiche Komi, c'est tout le monde qui peut venir. Lelo nazaki na classe na ngambo ya Amerika. Boyebi ke SMS ebandi ebandaki lobby bakure ebandaki lobby bakure en ligne. Nazaki na cour. Un étudiant atuninga professeur Azamundele. Professeur kombo na yo ozali congolais ya Brazza ou congolais Kinshasa. Na yebi se congolais Kinshasa. Abi oh na sala na Congo Kinshasa na cadre ya Médecins sans frontières est ya mboka na biso ya mboka na bino na Kinshasa na Vanda ayebi singa prof na zolela ndenge na zoyo ka makambo mboka na bino na zolela un pays riche avec des leaders idiots. C'est ça les termes qu'il a utilisés. Un pays riche avec des leaders idiots. Gabi O, ce qui est étudiant au Alanda Rangai. Natuni Olanda, Oebi Lingala. Non, non, non, yoka akamuke. Olanda vidéo nanga, ah, au salon rapide ma vidéo na YouTube. Gabi, non, je demande. Non, Olanda yon aonte. Na moni yo kaka, na moni liste, na moni cours, na moni combo ya professeur. Vraiment, na sepeli. Naïve, c'est oui. Un pays riche dirigé par des idiots. Ba idiot o bazui pouvoir na makasi, na loma, na britandera. Mais, kalamingi te bazoki. Toujours rendez-vous. C'est un étudiant le plus âgé à Bangonion depuis ce monsieur Ebandi. Il y a Bakounion son Azanango, le plus âgé. Il m'a dit Azaline a 65 ans. Et 65 ans, mais Aline Kozoa master naye. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et il a travaillé dans le service Ebélé, il y a défense. Il y a Mboka naye, il a travaillé. Tout le cadre est à court, tout le voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais voilà. Mboka na biso mu congolais moko tendenge bozolandanga koza la fier. Alo ba ke naza congolais. Nani? Nana tombola musa ke naza fier. Moi muke muke tozo mona mwa ba congolais mwa mutu ezo mata o mona ka oloba non naza congolais oyoka nde kwa docteur Mukwege. Naza congolais nde kwa Mutombo Dikembe. Naza congolais nde kwa Lukaku. Naza congolais nde koya. Ah, nga pe na ndenge na nga na zi na kore. Ah, nga la kongole na zande kwa yombi. Eza ba milivoro baza uko niyenga yi. Soka ke ikeke par kwense. Non, na zande kwa yombi. Jamo yoka kongole abeta tolo na za kongole. President na nga ya zali makasi. Beton. Nani? Ako tombo la mustapi. Na diaspora isi kwa tovani. Abeta tolo ke wii. Na za kongole president na nga kombo ne Felix. Nani? Nanini, okobeta tolo, kenon, nga laza kongole, president nga Félix. Nanini. Nakuta na ris moko alobi, nga laza ris, president nga Poutine. Voilà. Ayebe loko azobeta tolo na president na ye. Kongole nini, abeta tolo, ozali kobeta tolo pre a president na yo, nanini. Na mouyibi, le tournement, lokuta, kadiosha. Yango na obete la tolo, place au Vandi, ke oui, nazan la président ya béton. Mawa, c'est triste. Nenge bolo bino moko, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Voilà. Mes chers amis, autre dame n'engo ko loba lelo, tolobi nini lelo, na introduction na yeko loba ke la mboka ya Kore ba changer ba zo changer gouvernement coréen zo changer la loi sur les réfugiés ngai na zo congé ba milovor ba longolinga na yebi msalate na za professeur te na sala ka pona ba réfugié te alors le gouvernement coréen a zo changer mibe ko pona ba réfugié na ndenge ya mabe alors je vais voir un milovor na mboka Kore a telema a défendre ba réfugiés ya monde. A telema défendre ba réfugiés ya monde. Toye koloba makambo ya inyo sacré ezali en réalité ya Kabila. Ngam na lobby yangote, vous avez suivi ma déclaration ya ba Mende, ba tunyoso, l'autorité morale ya inyo sacré oyo, bozolo bakeza a Félix, en réalité ezali Kabila. Kabila longwate, Kabila se retire na mwa musika, il dirige par télécommande. Alors, yangope inyo sacré na kati kuna bomoni, le mangeur de pygmées au bateau IDPS va ebisa biso ba milvor ba loba ke ben baza mangeur de pygmées. Mangeur de pygmées a déclaré à Sengi ba pesaye primature, ba pesaye parlement, ba pesaye finance. Et Moussous Wara Soriano, les Zambiens, y a lobby, y a ba pesaye primature, ba pesaye parlement, ba pesaye économie. Siko Félix, ba a tipe kuna lobby, y a à cause de primature, y a à cause de parlement, y a à cause de finance. Alors, Félix Akotikala Nanine. Nous avons démontré que Félix, partout à Kendaka, baroula kaye toujours. Akeina Ibiza barouleye. Akeina Genève barouleye. Akeina na Nairobi na Kenya barouleye. Akeina Kingakati barouleye. Ayepe lissousou batonaye balobi. Oh, béton, asalisi union sacrée. Bazo rouleye lissousou. Parce que tout le monde a zo déclaré zo apostola. Yazo tika de l'okote. Toujours baroula kaye, baroula kaye. Alors, problème est pas nan. Problème est pas nan. Yo kaka moutou moko, na Afrique du Sud baroule yo. Oh, batouana moussousou, baza mitema mabe. Baza mitema mabe. Bon, ça va, to comprendre. Ok, na Ibiza, baroule yo. Ah, batou, oyo, baza mitema mabe. Baza mitema mabe. Oui, to comprendre. Ok, na Genève, baroule yo. Oh, na Genève, ba prima kouria. Baroule ngayi, ba tchaki biso na prima kouria, ba mvuta ki biso. To comprendre. Baroule yo. Ok, na kamera memio na Nairobi na Kenya. Nairobi pe kuna barule yo kamera serpent ancien. Kamera ta roule yo. Ok na kingakati. Ah Kabila c'est rwandais. A roule ngai barule yo. To comprendre. O sens pe union sacré, a wa pe bemba zo roule yo, katumba zo roule. Non, tatu. Tatu leke la leke la tatu. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Le problème, c'est toi. Batunyo so oyo bazalika kabatwa mabe, moutou malamu yo. Problème ezali de yo. Alors, problème on a identifié en gona ebusibino ke. Problème ezali, un, bik mukuse, deux, patriotisme ezate, trois, mouhibi eleki, cinq, chekouler, bachaka chekouler, président de la République te, cinq, traître. Et pour na bosana ki bandeko bozonga ba o babimi déjà bo bengisa bango bakota mutema ezo beta ngai mes frères et sœurs mutema ezo beta ngai boyebi ke moi oyo Félix Abandi présidence na Union africaine tozali ko senga na Union africaine pardon nous demandons à Union africaine pardon ne laissez pas le finance de l'Union africaine entre les mains de Félix. Pardon, Tobonde, na bondeli na zobanga. Union africaine batika finance na Félix, c'était pardon. Pour na une semaine kaka nyon soit zobuka. Boye ba l'Union africaine, Félix azo kena nani. Na mulamba. Félix azo kena vidye chimanga. Boyogi deja ba kombo. Félix Azo que l'Union africaine n'a topin. Mbongo l'Union africaine yako bonde la, oyo ba pays pe sa contribution ezala ka ya manœuvre. Pardon, boye bisabatu oyo bazala ba contact na ba président de l'Union africaine. Bo pe sa Félix a dirigé ba réunion alala ba pongia ke nikolia na ba restaurant. Pardon, botika finance e pa ya Félix T. E kozala honte nationale. Et cause à la honte nationale. Oh non, vous prévenez à quitter. Toi, vous savez, non, ma cambadille. Toi, vous savez, non, que ma pèse à mbok à la mabok à Chekouler. Chekouler, je veux comme président. Koko Maka a commis projet de 100 jours. 600 millions de dollars à Bouki. À Landeli. Maison préfabriquée. 57 millions de dollars à Bouki. À Landeli. Réserve nationale. 1 milliard 800 millions de dollars à Bouki. Nazo banga. Qu'est-ce qu'il y a Union africaine? Ce qui va l'acquisir. Numéro à compte, on a un mot de passe, ce qui va passer Félix. Et yé mon côté, mon tazo kende kuna. Azo kende na tatu vidi et chimanga. Azo kende na tatu tope kabongo. Azo kende na mulamba. Donc, Congolais, bobo nga ma adéja na Sony national. Apprêtez-vous à cette honte nationale. Na Union africaine. Oh, tolobaki te tolobi. Nous allons écrire à l'Union africaine. C'est bien. Pays n'a bien choisi tour de rôle à la présidence. Mais, qu'est-ce numéro ya compte? Mot de passe ya mbongo à l'Union africaine. Mexico. Bopé sa yete. Pardon. Oh, la zone la qui s'habille sur ma couleur, la zone la qui s'habille sur le Congo. Soki akena ngona Union africaine ozala toko bata ma toko tambula te. Toko tambula te. Oto lo bakite. Voilà, mes chers amis. Tozo zela na ba milovoro ba vai na kore. Ba bazwa lit. Yakobundela mibeko ba refugie. Ba moni bango moko gouvernement denga décidé. Alors, toli ko mona un remplaçant de Yombi. Tout le monde a un milovor remplaçant de Yombi qui défend les réfugiés du monde, na Corée. Après, à Longwa na Corée, à Kendepe na Oni, à défendre les réfugiés du monde, à Kena Genève, que défendre Totala. Sinon, Touba, Kakako Loba, bande de milovor. Au revoir, mes chers amis. En attendant, toujours préparer toujours na kuzu, na bunker, dengan in fruye goleka. Voilà. Merci. Nous avons un commentaire. Ah ouais, peut-être que nous avons un commentaire. Félix démissionne. Non, Chekouler a démissionné. Raté. Chekouler a toujours besoin de Mbongo. Il ne va pas démissionner. Félix ne peut pas démissionner, mon cher ami. Il ne va pas démissionner. Il a besoin d'un fruit, c'est tout. Il ne va pas démissionner. Il va démissionner. Parce qu'il a honte au nion sa zui. Si il avait une conscience, il devrait démissionner depuis. Il va démissionner. Il ne comprend pas ce que signifie démission. Il ne comprend pas. Il sera poussé par la force. Kaka frui kaka, Ochudi. Kaka frui. Yo ya katepora nini kaka kuna. Ana ya pobo ya kubomanga. Oyo baza kuna lucha bazui 20 ans de prison. Nos enfants de lucha. Kaka koloba ya pamba ba kritike 20 ans de prison. Nga yi bako pesa nga kombe de zane na prison. Non, frui kaka. Togo ya, boko mona. Vous allez voir Muto Bomona Kanamusika, vous allez le voir Mbunju na Mbunju après Frui. Bokomona. Et vous allez comprendre que oui, ces gens ici, côté Bazalaka, ils se sont vraiment préparés pour le pouvoir. Vous allez voir. Voilà, mes chers amis, je pense que on doit finir Wanam. Merci Mingi Pona Lelo, week-end Yamalamu, à tout le monde. Bon, mais la Mingite, Batapage Mingite, et Tokutani peut-être prochainement. Au revoir. Bon, partagez. Bye bye. Mm.